Versailles, chaque jour, papa se retire pour faire des serrures dans son grenier. Allez, viens dans le parc, nous pourrons courir, mais d'abord, je voudrais te dire un secret. J'ai surpris ce matin une conversation. Il paraît qu'à Paris, c'est la révolution. Il paraît qu'on se bat dans les rues. Je ne sais pas pourquoi. Je serai le roi. Pour l'instant, viens jouer à Colin Maillard. Je suis sûre que je cours bien plus vite que toi. Ah, mon fils, vous voilà encore, transpirant et la vie bien sale. Prenez garde et mesurez vos efforts. N'allez pas prendre mal. Au beau soleil de cette journée, 14e du mois de juin.